je savais bien quelque part qu'il nous fallait aller au hasard. Au hasard d'une idée car il faut qu'elle soit fixée, pour ne pas perdre pied car faut savoir contourner les vices et les mauvaises idées, pour ne pas oublier la destination qui est fixée, pour accomplir sa voie comme obstiné vers la réussite de ta contrée que tu pourras toucher. Enfin tu pourras ainsi réaliser tes rêves sans détour, sans faire aucune trêve, car faut savoir foncer au moment donné pour avancer, ne pas reculer dans l'obscurité. C'est à toi de voir qu'il n'y a pas de désespoir, alors au contraire certains pourraient éviter les déboires. Illusion d'espoir quand un soir je songe. Illusion d'espoir quand un soir je songe. Illusion d'espoir quand un soir je songe. Il faut donner de la conviction à ses actes pour réussir et y croire sans mensonge. Je me suis dit en faisant le pacte de réussir à tout prix sans que je plonge, car je me suis fixé pour objectif sans être une cible pris au vif, se laissant aller sans adjectif qualificatif, comme pris possible par la conscience de ma pensée. Car je me dis qu'il ne faut se laisser aller, pour réussir il faut y croire et ne pas désespérer, pour réussir il faut écrire ton avancée, pour te souvenir de chaque passage de la vie et ne pas oublier. Illusion d'espoir quand un soir je songe. Illusion d'espoir quand un soir je songe. Illusion d'espoir quand un soir je songe. Illusion d'espoir quand un soir je songe. Illusion d'espoir quand un soir je songe. Il faut donner de la conviction à ses actes pour réussir et y croire sans mensonge. Je me suis dit en faisant le pacte de réussir à tout prix sans que je plonge, car je me suis fixé pour objectif sans être une cible pris au vif, se laissant aller sans adjectif qualificatif. Illusion d'espoir quand un soir je songe. Il faut donner de la conviction à ses actes pour réussir et y croire sans mensonge. Je me suis dit en faisant le pacte de réussir à tout prix sans que je plonge, car je me suis fixé pour objectif sans être une cible pris au vif, se laissant aller sans adjectif qualificatif.